amour, tu me blesses. Tu me blesses le cœur, mon amour, tu me blesses. Tu blesses notre bonheur. Quand de toi je m'approche, ton regard me reproche de t'aimer bien trop fort, trop fort. À jamais, mon amour, tu me blesses. Tu me blesses le cœur, mon amour. Tu me blesses, tu blesses mon pauvre amour. Toi, tu te moques de mon cœur en délire. Toi, tu te moques de mon être qui chavire. Tu ne veux plus partager mes joies. Tu ne veux plus te blottir dans mes bras. Mon amour, tu me blesses. Tu me blesses le cœur, mon amour. Tu me blesses, tu blesses notre bonheur. Quand mon cœur te demande d'accepter son offrande, ah, laisse-moi t'effleurer. Oui, donne-moi le droit, mon amour. Tu me blesses, tu me blesses le cœur. Car tu n'es plus qu'un rêve et l'ombre d'un amour.